Sous les blocs fissurés je marche, chaque pas tombe comme une charge. Les murs transpirent d'ombre muette, chaque silence devient tempête. Je suis Raiderskill, l'ombre glacée, chaque mot frappe, chaque voix blessée. La nuit respire dans mes pas, chaque pierre résonne pour moi. Je prends vos cris, vos douleurs, je les transforme en ferveur. Chaque viewer retient ma voix, chaque vibration vous attire à moi. Je suis le froid qui ne s'éteint pas, le rythme gravé au fond de toi. Je suis la fièvre qui vous entraîne, la braise qui coule dans vos veines. I am the drill inside your soul, the rhythm you can't disguise. Half thunder, half lullaby, the fire behind your eyes. Cache un cri, chaque lumière s'éteint la nuit. Je marche encore dans vos regards, chaque pas tombe comme un départ. Je prends vos ombres, vos couleurs, je les absorbe en mes ardeurs. Sous la pluie résonne ma voix, chaque bloc s'incline devant moi. I am the drill inside your soul. Je grave ma trace, chaque horizon te flamme ma note. Chaque but enrisse ma vibration, chaque souffle nourrit la passion. Je suis la loi, je suis la voix, le feu qui vit au fond de toi. Les blocs tremblent, la nuit succombe, chaque lumière s'éteint et tombe. Je suis le cri qui traverse le temps, je suis le chant de vos instants. I am the drill inside your soul. Inside your soul, the heartbeat you can't let go. Half tempest, half lullaby, the song you'll always know. Made of passion, carved in scars, written in blood and truth. I am Raiderskill eternal, and I sing because of you. Les étoiles, je marche encore, chaque vibration traverse vos corps. Je suis Raiderskill, je suis la flamme, le son qui jamais ne s'éteint dans l'âme. Dans vos veines, je laisse ma voix, je suis l'ombre qui vit en toi. Et même quand le jour viendra, mon chant éternel brûlera.